Et en cette journée internationale de l'éducation, vous l'avez entendu, France Culture consacre eh bien, toute son antenne aux enjeux de l'enseignement et de l'apprentissage à l'école. Nous allons nous intéresser donc évidemment à la question de l'enseignement scientifique. Il faut dire que les enquêtes internationales comme PISA ou TIMSS ne classent pas la France en tête des nations les plus performantes dans l'apprentissage des sciences. Alors pourquoi sommes-nous fâchés avec la culture scientifique? Faut-il revoir notre façon d'aborder cet enseignement? Faut-il repenser notre rapport collectif aux sciences dites dures et comment mieux les transmettre aux nouvelles générations. Enseignement des sciences, trouver la bonne formule, c'est le programme pédagogique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre si quelque chose cloche et ce qui cloche dans notre approche de l'enseignement scientifique et comment y remédier, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Elena Pasquinelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe des sciences cognitives, responsable de la recherche et de l'évaluation au sein de la fondation La Main à la Pâte et membre du conseil scientifique de l'éducation nationale et Ange Ensour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice du programme éducatif Les Saventuriers, école de la recherche du centre de recherche et d'interdisciplinarité. Mais on commence par votre dose d'actualité scientifique quotidienne, c'est le journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans Nature Communications, une étude qui décrit une nouvelle stratégie thérapeutique pour lutter contre l'antibiorésistance. Oui, la semaine dernière, on apprenait que les bactéries résistantes aux antibiotiques étaient devenues l'une des causes principales de mortalité dans le monde. Alors face à ce gros problème de santé publique, la recherche tourne vers de nouvelles méthodes, les bactériophages, des virus qui mangent des bactéries. Alors cet article, c'est une étude de cas d'une patiente belge à la jambe blessée qui a entraîné une infection bactérienne par Klebsiella pneumoniae, une superbactérie qui crée des biofilms qui empêchent ainsi les antibiotiques de fonctionner. Donc après 2 années d'échec thérapeutique, les cliniciens ont opté pour une bithérapie, une combinaison d'antibiotiques et de bactériophages spécialisés. Une forme impersonnalisée de phagothérapie avec des phages spécifiquement sélectionnés. Les phages ont été appliqués directement sur la plaie infectée pendant 6 jours. 3 mois après ce traitement, la patiente s'est complètement rétablie. Selon les auteurs, cette bithérapie pourrait être une nouvelle piste pour en venir à bout des bactéries multirésistantes. Et on retrouve comme chaque jour l'étude sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Les autorités sanitaires britanniques enquêtent sur une soulignée sœur du virus Omicron. Omicron, ce variant du SARS-CoV-2, aussi appelé BA1, est apparu en octobre 2021. Un mois plus tard, on trouvait des traces d'une soulignée d'Omicron baptisée BA2. Cette soulignée porte les mêmes mutations que la ligne originale, mais aussi de nouvelles. En Angleterre, au Danemark, en Norvège et en Suède, les cas de BA2 sont en augmentation, sans qu'on ne sache pourquoi. Alors pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit d'un variant plus contagieux, s'il provoque un échappement thérapeutique ou des formes graves. Des études sont en cours. En Allemagne, le premier ordinateur quantique doté de plus de 5000 qubits d'Europe vient d'être mis en service. Et l'ordinateur D-Wave, conçu par l'entreprise canadienne D-Wave Systems, qui est l'un des principaux fournisseurs en informatique quantique. Alors ce nouveau système quantique va s'intégrer au supercalculateur du centre de recherche Jülich en Allemagne. Ce sera le premier exemple technologique d'un ordinateur quantique qui travaille directement avec un supercalculateur. Ce centre dédié à la recherche scientifique et industrielle devrait recevoir en 2023 un nouvel ordinateur quantique au sein de ses rangs. Et enfin, une étude parue dans Geological Society of London décrit la découverte du plus vieux fossile de fleurs. Et des paléobotanistes chinois ont découvert en Mongolie intérieure, en Chine, un bouton floral du Jurassique. Baptisé Florigerminis jurassica, ce fossile vieux de 164 millions d'années comprend une branche feuillue, mais aussi des fruits et des boutons floraux. Alors cette découverte bouleverse l'histoire évolutive des plantes, car jusqu'à présent, c'est le plus vieux spécimen d'angiosperme, de plantes à fleurs. Les exemples les plus anciens remontaient à la période du Crétacé, entre 66 et 145 millions d'années. Les dinosaures devaient donc gambader parmi les fleurs. Merci Natacha et à demain pour le prochain journal des sciences. Eh bien justement, puisque nous parlons de science et de culture scientifique, une question se pose à nous. Sommes-nous collectivement, en France, nuls en science? Sommes-nous qui plus est, de plus en plus nuls en science? C'est ce que tendraient à montrer différents classements internationaux comme TIMSS, par exemple, qui indique que la France n'amène que 2% de ses élèves au niveau avancé en mathématiques, là où la moyenne de l'OCDE est de 11%, ou que les résultats des élèves ont baissé une fois de plus en France de façon significative entre 1995 et 2019. Quelle réalité se cache derrière ces chiffres, évidemment un peu généraux? Y a-t-il vraiment dans notre pays une désaffection pour la culture scientifique? La pandémie a-t-elle abîmé également notre rapport aux sciences? Et comment faire pour mieux les transmettre, pour mieux former tant les enseignants que les enseignés? Écoutez ce que disait en 1952 Gaston Bachelard du rapport des enfants aux sciences. Je vais vous parler du problème de la connaissance. Je vais vous demander si il ne faut pas considérer la pensée scientifique déjà dans ses débuts, déjà dans son enseignement qu'on en donne. Et par conséquent, ne parlons pas du grand savant. Parlons, si vous voulez, du travail scientifique. Que souhaitez-vous pour vos enfants? Les souhaitez-vous intelligents? Oui. Et souhaitez-vous qu'ils travaillent bien à l'école? Oui. Où est-ce qu'ils travailleront le mieux? Ils travailleront dans la pensée raisonnable. Ils travailleront dans la pensée scientifique. Et par conséquent, la pensée scientifique est déjà un destin scolaire. C'est un destin humain, mais c'est déjà un destin scolaire. Il faut que les enfants, que vos enfants, que nos enfants apprennent vraiment les rudiments scientifiques. Vous ne voudriez pas leur en priver. Vous ne voudriez pas. Alors? Mais il n'est pas question de les entendre. Mais oui, mais c'est que nous sommes précisément dans une situation psychologique où la science est une réalité dès le plus jeune âge. Voilà, Gaston Bachelard en 1952, la science est une réalité dès le plus jeune âge. Votre réaction, Elena Pasquinelli, à cette archive? La science est une réalité depuis le plus jeune âge. Ça, je pense que s'il y a quelque chose qui a été confirmé, l'esprit scientifique, l'envie scientifique, la curiosité scientifique, l'envie de s'expliquer le monde dans ce sens-là. Et aussi certains outils de la science font partie de notre bagage cognitif depuis la naissance. Ça s'explique. Si on n'avait pas ça, c'est tellement essentiel de pouvoir s'expliquer le monde, pour pouvoir prévoir, anticiper, trouver les causes, du coup trouver aussi des solutions, que si ça faisait pas partie de notre organisation cognitive, on pourrait s'en étonner. Donc elle fait partie et elle nous donne du plaisir aussi. L'exercice de ses capacités, de ses envies de connaître et les petites pépites qu'on collecte quand on apprend à connaître quelque chose font partie des envies, des motivations et des plaisirs qui sont propres à notre esprit, à notre mental, à notre cognition. Angèle Sourd, votre sentiment vis-à-vis de cette archive de Gaston Bachelard? Alors déjà, elle est très belle, merci. Deuxièmement, effectivement, comme vient de le dire Elina, si cette curiosité, la propension à trouver des explications est inscrite quelque part dans notre esprit, ça n'en fait pas pour autant de nous tous des scientifiques. Pourquoi? Parce que sinon, on n'en aurait pas besoin d'école. Comment faire avec ce bagage premier qui est fait de curiosité, de tâtonnement, d'appétit pour décortiquer, prévoir, se prémunir pour en faire des savoirs organisés, conceptualiser, etc. Et ça, c'est tout sauf automatique. D'où le besoin d'année après année, à l'école et en dehors de l'école, de méthodes, d'apprentissage, de pédagogie. Voilà. Quand on entend, quand on regarde les chiffres que je viens de donner... Non, attendez, pardon, voilà, c'est notre réalisateur qui vient d'intervenir sur l'antenne, il s'est trompé de bouton, il m'a parlé dans l'autre, pardon, excusez-moi. Je redisais, quand on regarde les chiffres que je viens de donner, notamment sur les classements TIMSS, on a le sentiment que la situation de l'enseignement scientifique de la primaire au lycée est en constante dégradation. Alors, on sait bien que ces grandes enquêtes, que ces grands chiffres donnent des tendances qui ne s'appliquent pas forcément à la réalité. Comment est-ce que vous les percevez-vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on est de moins en moins bon dans l'enseignement des sciences et dans les résultats que cet enseignement produit, en tout cas dans les premiers niveaux d'enseignement, c'est-à-dire en primaire et au collège? Elena Pasquinelli. Alors, il y a plusieurs choses. C'est un thème compliqué, celui d'exploiter les données internationales. D'abord, je pense qu'elles sont toujours intéressantes. Ce sont des évaluations, il faut les utiliser correctement, c'est-à-dire non pas pour se comparer nécessairement aux autres pays et chercher à les imiter. Ça n'a pas de sens. Trop de choses changent d'un pays à l'autre pour prendre des leçons à droite et à gauche. Et on voit que dans les classements, les premiers changent aussi et ils sont très différents. Parfois, c'est la Finlande, parfois, c'est la Corée du Sud. C'est vraiment pas les mêmes exemples à prendre des uns et des autres. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la France? D'abord, il y a en réalité une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sortent les évaluations en PISA ou TIMSS, on dit « Oh mon Dieu, on a dégringolé, mais on reste plutôt stable. » Et ça, peut-être, c'est encore plus préoccupant. On reste stable depuis un peu plus qu'une vingtaine d'années. Donc, on a dégringolé, on n'arrive pas à remonter, on n'arrive pas à améliorer les résultats. Je pense que ce que montrent ces évaluations sont des éléments de préoccupation, notamment quand ils nous disent qu'il y a un pourcentage assez important d'élèves qui n'arrivent même pas au niveau le plus bas. Steam se le situe à 400 points, au niveau le plus bas de compréhension de base des concepts scientifiques, de quelques connaissances scientifiques ou d'une utilisation de base du calcul en mathématiques ou de la lecture d'un graphique pour ce qui concerne l'école primaire. Et qu'il y a un pourcentage également très très petit, très inférieur à celui européen, 3% contre 11% environ, de très très très très bon. Ce qui veut dire qu'il n'y en a même pas là, entre guillemets, hein, je le dis vraiment entre guillemets, consolation. Ben, on a beaucoup d'élèves qui sont mauvais, mais on a une élite exceptionnelle. Même celle-là, en réalité, est assez dégradée. Donc, il y a un problème à se poser. Et il y a un problème aussi de chercher à comprendre là-dedans, qu'est-ce qu'il en est de l'affection des élèves pour la science, de l'intérêt, de la motivation. Et un autre élément qu'on peut extraire des évaluations TIMSS, parce que les mêmes élèves ont été vus quand ils étaient petits, en CM1 et quand d'après ils étaient grands, c'est que la motivation pour la science diminue. Entre le primaire et les collèges, on se désaffectionne. Or, d'un côté, c'est normal. Hein. On est petit, on est tous curieux, on pose plein de questions. On devient adolescent, les questions qu'on se pose sont d'autres genres. On a d'autres motivations et d'autres intérêts, mais je pense que voilà, ces types de données, ils doivent quand même nous interroger et nous poser des questions sur comment faire pour créer cet intérêt et pour effectivement faire comprendre des concepts de base fondamentaux. Ange Ensour, votre sentiment vis-à-vis de ces grandes enquêtes et de ces tendances qui, comme le rappelait Elena Pasquinelli et comme on vient de le voir, sont effectivement pas très encourageantes, en tout cas quant à la qualité et à l'évolution de la qualité de l'enseignement scientifique en France. D'accord. Alors, je me permettrai trois éléments. En premier, ces évaluations, quel que soit leur contexte, etc., viennent corroborer des évaluations nationales. Le département d'évaluation français, la DEP, fait des évaluations disciplinaires, qui sont appelées les évaluations CEDRE, sur les grands champs disciplinaires, maths, sciences, maîtrise de la langue, langues étrangères, etc. Et les résultats ne sont pas différents. Et c'est ça ce qui est préoccupant. On peut toujours reprocher des biais aux évaluations internationales, mais même en se comparant à nous-mêmes, on constate une baisse qui est cohérente à travers les disciplines, que ce soit en sciences, en maths, en maîtrise de la langue, etc. Et je fais exprès de lier ces différentes disciplines parce que comprendre des concepts, ce sont également une maîtrise des langages, l'appétence en général pour une discipline ou pour plusieurs disciplines, enfin voilà. Donc c'est assez lié. Et cette érosion de ce qu'on appelle l'élite, quelque part, elle est apparue dans les évaluations DEP, même avant qu'elle ne commence à être sur le radar des évaluations internationales. Donc pour ceux qui suivent notre maison éducation nationale sont conscients de ce problème, mais également il y aussi doublé ce problème d'érosion, de baisse, par une autre constante, c'est la prépondérance, la suprématie de l'appartenance sociale et professionnelle de la famille dans les performances. Plus, enfin, l'école française est quand même très marquée par le poids du capital culturel et du capital social de l'enfant et de l'adolescent en dehors de l'école. Et que ce soit, c'est visible à la fois dans CEDRE, comme dans les évaluations TIMSS ou PISA. Donc cela nous amène à dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que notre école, elle n'y arrive pas ? Il y a beaucoup d'explications à ce constat, beaucoup de choses, et il est peut-être temps de dire que c'est quelque chose de multifactoriel, qui puise à la fois dans l'histoire de notre institution, dans l'histoire des formations, dans l'histoire de faire école, enfin voilà. Donc je peut-être que je m'avancerai pas trop, mais on ne peut pas juste jeter l'opprobre sur les évaluations internationales, elles sont corroborées par nos évaluations internes. Et on va essayer de comprendre quelle est la source ou quels sont bien les leviers sur lesquels on peut influer pour inverser la tendance ou pour essayer de corriger ou d'améliorer cet enseignement scientifique, puisque c'est le thème de notre émission, ce dont nous allons discuter tout au long de cette heure. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et en cette journée internationale de l'éducation dont France Culture est partenaire, hein, tout au long de la journée, vous pouvez retrouver plusieurs programmes consacrés à ces questions liées à l'enseignement. Nous nous intéressons à la question de l'enseignement des matières scientifiques. Nous en parlons avec Elena Pasquinelli et Ange Ansour. Peut-être qu'on peut revenir et repartir depuis le début, et notamment sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Elena Pasquinelli, 5 heures de mathématiques par semaine, l'enseignement concentré sur les mathématiques. On a beaucoup entendu parler récemment, et on réentend d'ailleurs aujourd'hui en période de campagne électorale, la notion de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est lire, écrire, compter. Est-ce que faire de cet enseignement mathématique les fondements, alors évidemment apprendre à compter ça paraît légitime, mais en tout cas de s'appuyer à ce point-là sur les mathématiques dans l'enseignement dès l'école primaire, est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il faut le repenser ? Est-ce qu'il faut diversifier un peu l'approche finalement de l'enseignement scientifique initial dans les petites classes ? Alors, je serais pour ne pas mettre en opposition sciences et mathématiques, mais même sciences et autres disciplines nécessairement. C'est vrai que dans l'analyse TIMSS, par exemple, de 2019, hein, pour le CM1, il y a un constat, donc bien avant même l'augmentation après de l'attention sur les mathématiques, qui suit aussi ces évaluations-là, c'est que l'enseignement des mathématiques à l'école primaire était correct en termes d'heures. Hein. Les enseignants déclaraient faire environ 182 heures de maths par an en CM1, mais d'en faire 47 en sciences. Celles prévues par les programmes sont 72 et la moyenne européenne est 67. Or, les heures ne font pas tout, parce qu'on peut faire beaucoup d'heures et pas nécessairement bien les faire. Mais c'est vrai qu'il y a une attention à porter sur les sciences. Est-ce que c'est une attention qui doit se séparer nécessairement de l'attention qu'on porte aussi aux français ou aux maths ? En partie, il faut une focale. Mais en partie, c'est vrai aussi que beaucoup des problématiques dont on parle quand on parle de sciences au sens moderne, même à la radio, même dans votre émission, ce sont des problématiques mixtes. C'est-à-dire qu'on se retrouve face, je parle des adultes maintenant, ou des grands élèves, face à un graphique, face à un ensemble de données, à des données qui nous parlent d'une montée exponentielle, pour faire un exemple qui ne nous concerne pas du tout, hein, mais une montée exponentielle d'une épidémie et d'une maladie, et on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Là, les éléments de sciences et des maths se mélangent, font partie d'un même langage de rationalité, de la lecture de la réalité, qui a besoin de ce langage mathématique, d'alphabétisation sur la lecture des données, leur présentation, des graphiques et la compréhension des mécanismes à la fois des concepts scientifiques de base, qu'est-ce qu'un virus, qu'est-ce qu'une épidémie, comment il se diffuse, pourquoi, et après de comment on étudie tout ça et comment on utilise les chiffres, comment on utilise les données pour étudier tout ça et pour mieux comprendre tout ça. Donc, une attention conjointe aux sciences et aux mathématiques, à mon avis, dans un sens d'une attention au fondamental des fondamentaux, raisonner. Ange Ansour, votre point de vue à ce propos, peut-être un point de vue un peu comparatif par rapport à ce qui peut se faire dans des pays voisins. Je pense à l'Allemagne notamment ou à l'Espagne qui n'ont pas tout à fait la même approche. Alors, effectivement, ce que je rejoins Elena quant à la quantification, je ne pense pas que c'est ce qui fait la différence. Il y a également beaucoup de choses en commun avec nos voisins européens, même internationaux, quant à la formation initiale des enseignants, qui est majoritairement littéraire et qu'on pourrait penser être un obstacle, mais là-dessus, la France n'est pas forcément très différente des autres pays, donc c'est encore à changer ailleurs. Effectivement, une approche plus interdisciplinaire est a priori devrait être favorisée chez nous parce qu'on a le modèle du maître unique qui n'est pas, par exemple, le modèle italien où ils ont un enseignant en plus dans les blocs humanité, d'enseignants pour les blocs scientifiques. Donc vous voyez, les différences avec nos voisins n'expliquent pas le peu de pratiques scientifiques. Parce qu'on n'est pas plus ainsi ou autrement. L'accent sur les fondamentaux, sur lequel on donne beaucoup de temps en France, effectivement, là, vous voyez un déséquilibre français dans l'attention portée aux fondamentaux, lire, écrire, compter, qui, comme leur nom dit, qui sont fondamentaux. Mais effectivement, les enseignants consacrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le premier degré dessus. Pourquoi ? Est-ce que c'est une question uniquement de prescription scolaire ? De programme, d'attente, ou est-ce que aussi peut-être des questions d'intervention pédagogique au sens large. C'est-à-dire que nos enseignants, je ne vais pas parler de la formation disciplinaire, sont peu formés initialement et même en formation continue sur tout ce qui est stratégie d'intervention pédagogique en classe. Travailler de manière hétérogène, je parle du premier degré, je ne parle pas du second degré parce qu'ils connaissent bien leurs élèves en premier degré, ils ont le temps pouvoir diversifier les modes d'intervention, les modes d'action, les élèves, faire travailler sur des rythmes différents, ça ne veut pas dire être moins ambitieux, mais vraiment diversifier ce qui se passe dans la classe et on le fait moins. On attend que tout le monde ait fini la leçon de grammaire, que tout le monde ait fini la leçon de maths, ce qui fait que la gestion du temps et la gestion des contenus, donc c'est les matérialités de la classe, sont très difficiles. Donc peut-être que mieux enseigner les sciences, mieux enseigner les maths, mieux enseigner le français, parce qu'on parle des sciences, mais il y a un recul très net dans les maîtrises de la langue française, c'est également à regarder du côté de la professionnalité enseignante, et non pas simplement sur le modèle d'un manque de contenu scientifique qu'il faut remplir, mais peut-être aussi qu'il faut qu'on donne plus de temps à la formation de contenu, au retour d'expérience entre enseignants, sur ce qu'est enseigné. Aller voir comment fait mon collègue, comment je fais. Travailler ensemble au niveau d'un établissement, avoir un projet d'établissement. Donc voilà, peut-être des pistes plus pédagogiques que uniquement portant sur le contenu scientifique à enseigner ou le contenu mathématique. Peut-être justement un mot, Elena Pasquinelli, sur cette question effectivement de la formation initiale. Jean Sourd le disait à l'instant, beaucoup d'enseignants, notamment dans le primaire, viennent de filières littéraires et il est vrai que la formation aux matières scientifiques est assez congrue. Hein, 10 heures de SVT, 10 heures de physique, 10 heures de techno, ou en tout cas ça fait partie des reproches que l'on adresse en général, notamment à la formation sur ces nouvelles filières de formation des INSPE, des Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation. Est-ce que là, il y a en tout cas un levier d'action simple, facile à mettre en œuvre pour augmenter un peu justement cette culture scientifique et pour simplement donner plus d'outils, plus de socles de connaissances à ces élèves enseignants qui viennent plutôt de formation littéraire. Oui, et non, au sens où rien n'est facile, malheureusement. C'est un vrai constat que la formation en sciences pour les enseignants, notamment pour ceux qui viennent effectivement des filières littéraires, et moi je suis quelqu'un qui vient de la philosophie, j'ai eu besoin de me former aux sciences, et je continue à me former aux sciences tous les jours parce que j'ai une motivation personnelle. Ce n'est pas le cas de tout le monde d'avoir cette motivation. Donc la formation devient fondamentale et au cours des 3 dernières années, la formation en sciences des enseignants du primaire a diminué à la place d'augmenter naturellement parce qu'on ne peut pas tout faire et que si on met l'accent sur quelque chose, il faut un peu dégarnir le reste, mais la formation en sciences a été dégarnie. C'est pas la seule cause et ça ne peut pas être la cause du fait que la France ne va pas bien, entre guillemets, aux évaluations internationales parce qu'on a vu que c'est une question de long terme et longue durée, mais ça n'aide certainement pas. Mais ajouter des heures ne sera pas non plus suffisant. Et je suis sûre que Ange, elle est tout à fait d'accord avec moi parce qu'elle a mis l'accent sur la problématique de la pédagogie, c'est-à-dire que la formation doit être également bien pensée. Il s'agit à la fois d'une acculturation scientifique, bien sûr, mais il s'agit aussi de la transposition à la classe. C'est-à-dire que se limiter à donner une culture scientifique plus importante, plus costaud aux enseignants, ne leur permettra pas nécessairement d'identifier les gestes qu'après dans la classe font en sorte qu'on peut, comme le disait Ange très bien, suivre des élèves qui progressent à des vitesses différentes, mais aussi évaluer correctement les compétences et les connaissances que ces élèves ont développées, amener les élèves à acquérir une attitude métacognitive, réflexive sur leurs apprentissages en sciences. Et le grand mal de tout apprentissage, la grande difficulté de tout apprentissage, que ce soit en sciences ou ailleurs, mais on voit l'importance de le faire en sciences, transférer dans la vie quotidienne. On sait que le transfert pour l'enseignant qui a participé à une formation vers l'action de classe et pour l'élève qui a participé à la classe vers sa vie quotidienne sont deux problématiques majeures qu'il faut adresser du coup par de la recherche en pédagogie, en éducation, sur comment on favorise ce transfert, cette réutilisation. Et dans le cas de la formation des enseignants, ça veut dire aussi leur fournir des recettes à la carte, des scénarios, des aides pour mettre en place dans la classe, quand ils sortent d'une formation, être immédiatement opérationnels et outillés par des gestes de différentes natures. Comment mettre en place une investigation, une enquête, un cours, comment être explicite, comment aider les élèves à généraliser, etc., etc. Il s'agit vraiment d'une grosse boîte à outils, d'outils pédagogiques. Une question peut-être, parce que il y a tout de même 78 heures, je parle sous votre contrôle, de sciences expérimentales qui sont prévues entre le CE2 et le CM2. Qu'est-ce que c'est exactement que ces sciences expérimentales? Est-ce que ce programme est en général suivi? Et est-ce que justement, c'est pas déjà un effort qui est fait dans le sens de ne pas faire des mathématiques le seul socle de contact entre les élèves de cet âge-là et la culture scientifique au sens plus large en Jean Sourd? Alors, effectivement, sur le papier, 78 heures serait largement suffisant. On le constate, entre ce qui est prescrit et ce qui est déclaré par les enseignants, il y a un écart d'une trentaine d'heures. Après, ce qui se fait sur ce qui se fait en classe, je n'ai pas de données, mais on sait que les pratiques sont extrêmement variées. Néanmoins, de manière déclarative, les enseignants et les élèves font état de pratiques expérimentales, de démarches d'investigation, etc. Néanmoins, je vais revenir juste d'un exemple très très simple par rapport à l'école primaire et ce socle des sciences expérimentales. En principe, il couvre ce qu'on appelle les sciences et les technologies. Donc il y a ce qui s'appellerait plus tard au collège sciences vie de la Terre, des rudiments de physique, de techno, de robotique, etc. Donc le programme est varié, parfois un petit peu lourd par rapport au nombre d'heures, mais il est tout à fait faisable si effectivement on disposait du temps. Mais il y a, pour de vrai, quand on parle de sciences, moi j'étais enseignante dans le premier degré et je suis d'une formation purement littéraire, comme Elina, j'ai fait de la traduction et de la philosophie. Néanmoins, s'il y avait quelque chose que j'enseignais plutôt bien en classe, c'était les sciences. Parce que, quelque part, c'était pas ma formation initiale et je mettais énormément de temps d'auto-formation et de formation par les pairs pour pouvoir y arriver, pour pouvoir bien faire des projets et, qui amènent les élèves vers une certaine compréhension des concepts scientifiques en jeu, des méthodes et de la réflexion, du raisonnement, du propre de raisonnement scientifique. Je dirais qu'il y a un moment, il ne faut pas uniquement parler de science et de contribution d'art, mais qu'est-ce qui se passe dans une classe? Quelles sont les contraintes de travail des enseignants et des élèves? Vous mettez dans quatre murs 25 élèves, 30 ou 31 ou 22 en fonction des contextes, et un enseignant plurivalent. C'est le cas de la France. Il fait des maths, il fait de l'art plastique, il fait du sport, il fait des sciences, il fait tout. Cet enseignant se trouve en compétition des attentes. Les attentes des parents, les attentes des enfants, les attentes de son inspecteur, les attentes de ses pairs, ses attentes en lui. Et il doit hiérarchiser. Il doit donner des priorités qui sont nées des contraintes du moment, des contraintes du groupe classe auquel il a affaire. Comment faire du feedback, comment je vais être en retard, pas être en retard pour que tous les élèves apprennent à lire et à comprendre pour leur passage au collège, où ils vont être éclatés entre différentes disciplines avec des enseignants qui vont forcément quantitativement moins les voir, donc moins les connaître que moi, maître d'école. Donc il y a des enjeux qui ne sont pas scientifiques au sens, qui ne sont pas scientifiques au sens de l'ordre de la contenu des enseignements scientifiques, qui sont de l'ordre de la contrainte scolaire, qui joue beaucoup et on a tendance à les sous-estimer dans le premier degré. À un moment, On parle aussi de formation initiale, mais un enseignant, quand il est recruté pour enseigner 30-40 ans. Quid de la formation continue? Alors, je reviens, le premier problème soulevé par les enseignants en France, c'est le manque de formation continue, le manque d'accompagnement à la gestion de la classe, à savoir faire du feedback aux élèves, les évaluer, les aider. Donc, à un moment, on peut se dire, OK, on recrute des enseignants majoritairement dans le premier degré de formation littéraire, ce qui n'est pas très différent des autres pays, on va le dire clairement, mais on peut faire le pari de les accompagner année après année, notamment dans les sept premières années d'exercice où on sait où c'est là où on a le plus besoin d'accompagnement et là où les enseignants montent le plus en expertise, à la fois sur des contenus disciplinaires scientifiques, mais également et surtout, je suis désolée d'insister dessus, même si c'est pas le contenu scientifique, sur le savoir-faire pédagogique. Les enquêtes internationales, les études montrent que un facteur prédictif de la réussite des élèves, c'est la capacité de l'enseignant à lui faire ce qu'on appelle du feedback, c'est-à-dire lui expliquer en quoi ses erreurs, ses progrès, ses blocages et quels sont les meilleurs moyens de les surmonter. Comment le faire, c'est pas simplement en faisant leçon, exercice, évaluation et on passe à la prochaine évaluation. Il y a plein de manières de faire et ça demande une certaine dextérité pédagogique, c'est ce que tous les enseignants, on a les mains dans le cambouis, on finit par acquérir plus ou moins sur le tas. Donc il y a peut-être des questions pour améliorer l'enseignement des sciences, ce qui n'est pas le recul en sciences, il n'est pas un décrochage isolé des autres disciplines dans l'école française, il y a un décrochage généralisé. Donc il y a quelque chose de plus transversal peut-être à examiner. Voilà. On va justement essayer de regarder en dehors effectivement de la seule école et pour interroger plus généralement la question de la culture scientifique même hors activité scolaire et puis on va essayer surtout d'apporter des réponses ou en tout cas des éléments de réponse et des solutions notamment via bien vos deux fondations Les Saventuriers ou La Main à la Pâte. Ce sera dans quelques instants. My Mathematical Mind de Spoon à 16h35 sur France Culture en cette journée internationale de l'éducation et en cette journée spéciale sur l'antenne de France Culture consacrée eh bien, aux problématiques liées à l'enseignement. Nous parlons donc de la question de l'enseignement scientifique en France, de ses forces et de ses faiblesses et puis des solutions que l'on peut imaginer pour tâcher d'améliorer plus généralement la culture scientifique des élèves. Nous en parlons avec Elena Pasquinelli qui est philosophe philosophe des sciences cognitives, responsable de la recherche et de l'évaluation au sein de la fondation La Main à la Pâte, et Ange Ansour, qui est cofondatrice et directrice du programme éducatif Les Saventuriers. Donc, comme je le disais tout à l'heure, après le constat, eh bien, passons aux solutions, et justement, entre la théorie et la pratique, entre l'abstrait et le concret, primauté à l'appliquer, comme dans ce laboratoire de didactique André Revuze, où vous avez pu vous rendre et que vous avez pu visiter. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, oui tout à fait, et le problème se pose pour des situations où les concepts physiques défient un peu le bon sens, par exemple la chute des corps et la gravitation, à savoir le fait que les corps dans le vide tombent à la même vitesse indépendamment de leur masse. Cécile de Hausson est chercheuse en didactique de la physique, alors selon elle, il faut avant tout que les élèves arrivent à bien problématiser la question scientifique avant de se livrer à l'expérience. Elle m'a exposé une méthode pour tester le raisonnement des élèves fondée sur l'observation et l'analyse de cette loi universelle. Nous étudions les processus d'enseignement et d'apprentissage des savoirs particuliers, des savoirs scientifiques, en prenant pour porte d'entrée précisément ce qui fonde ces savoirs et les rapports que les individus vont entretenir avec ces savoirs, soit en tant qu'enseignant, soit en tant qu'élève ou étudiant. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la manière dont les savoirs sont délivrés. En général, on s'intéresse aux enseignants en particulier, en situation de classe. Les choix qui sont faits par ces enseignants, la manière dont ils organisent les savoirs entre eux, les exemples qu'ils prennent. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, on s'intéresse aussi aux apprentissages des élèves, qu'on peut voir comme des conséquences possibles des choix qui sont faits par les enseignants, et du côté des élèves, on s'intéressera à ce qui peut faire levier ou à ce qui peut faire obstacle aux apprentissages. Moi, spécifiquement, je suis chercheuse en didactique de la physique. Alors justement, dans les programmes scolaires, dans la discipline physique, quels sont les problèmes récurrents qui se posent dans la résolution, dans la formulation de problèmes ? Oui, je pense que là, vous soulevez un point qui est vraiment important, et les études conduites par les chercheurs et les chercheuses en didactique des sciences vont dans ce sens-là. Pourtant, la plupart du temps, les savoirs qui sont délivrés en cours et qui sont travaillés en classe de sciences sont plutôt des réponses à des questions ou à des problèmes qui n'ont pas été construits par les élèves eux-mêmes. Et pour reprendre les propos du philosophe Gaston Bachelard, apprendre les sciences, c'est d'abord savoir construire des problèmes. C'est d'ailleurs intéressant de regarder comment les choses se sont passées dans l'histoire des sciences. Par exemple, des objets qui tombent, c'est un phénomène banal que Galilée a transformé en problème. Alors, un problème au sens de question scientifique. On dit que c'est le premier à avoir mathématisé les phénomènes à travers, par exemple, la chute des corps. Tout à fait. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui a regardé la chute des corps d'une manière scientifique, c'est-à-dire qu'il a posé sur cette situation un certain nombre de questions qui engagent notamment des mesures, puisque, par exemple, il s'est demandé comment les objets tombent ? Est-ce qu'il y a une relation entre le temps de chute et la distance parcourue par l'objet en chute libre ? Et à partir de là, il a pu mettre en place des expériences susceptibles d'apporter réponse à sa question, de vérifier son hypothèse selon laquelle, en gros, la distance parcourue par un objet en chute libre évolue comme le carré du temps. Et cette hypothèse, elle est devenue un savoir sur la chute libre, et elle a pris sens au regard du problème que Galilée s'était posé sur la chute des corps. Alors on pourrait dire, oui, mais tous les élèves ne sont pas Galilée. Ben oui, sauf que ça peut tout à fait se pratiquer en classe. Je pense à une situation qui a été proposée à des élèves par des chercheurs de Lyon et qui a été reprise par mon équipe, le rebond des boules. Ah oui, en pratique, alors là, vous avez équipé là, voilà. de boules de masse, on va dire, il faut le dire, là, les décrire, on a une qui est toute petite. Une qui est toute petite, c'est une bille dure en acier, et puis une balle rebondissante. Alors voilà, on peut s'amuser à faire rebondir ces boules. Donc ça, c'est la boule rebondissante. Vous l'avez lâché à une hauteur d'environ 10 cm. Voilà, c'est ça, à peu près. Et puis, plus surprenant peut-être, une bille dure qui, vous voyez, rebondit aussi très bien. Ce qui est assez surprenant. L'intuition intervient. Voilà, exactement. Et en fait, on peut la regarder d'un point de vue ludique, cette situation, mais on peut la regarder aussi d'un point de vue scientifique, en invitant par exemple les élèves à se poser des questions qui pourraient donner lieu à des expériences et à de la mesure. Donc on a fait ça il y a quelques années, on a donné des boules de différentes natures à des élèves, on leur a demandé de faire une liste de questions auxquelles ils pourraient répondre avec du matériel simple, On les a accompagnés dans cette phase de problématisation et on a eu des questions du type pourquoi les boules rebondissent? Est-ce que les boules molles rebondissent mieux que les boules dures? Est-ce que le rebond est meilleur avec des boules légères ou avec des boules lourdes? Ça ressemble vraiment à un plan d'expérience où on évalue un certain nombre de paramètres. Absolument, tout à fait. On est en train d'engager les élèves dans une phase de questionnement qui vont leur permettre de faire un certain nombre d'hypothèses, dont certaines pourront être mises à l'épreuve de l'expérience et de la mesure, et d'autres non. Par exemple, c'est très difficile, en tout cas pour les élèves jeunes, de répondre à la question « pourquoi ?» Pourquoi les boules rebondissent. Donc pour les autres types de questions, un chronomètre, une balance, un téléphone portable pour filmer suffisent largement pour répondre à un certain nombre de questions. Charge après à l'élève d'élaborer l'expérience adéquate qui permettra d'apporter une réponse à sa question. Et en fait, cette réponse, elle prendra d'autant plus de sens qu'elle aura été construite sur la base d'un problème élaboré par les élèves eux-mêmes. Quels conseils pourriez-vous vous donner à la lumière des recherches que vous pouvez faire pour les enseignants qui éprouvent des difficultés dans leur classe, en tout cas pour la physique? Oui, alors je pense que si on avait davantage de temps pour former les enseignants en formation initiale, je pense qu'on pourrait les accompagner justement dans le choix des situations qui peuvent se prêter au jeu de la problématisation par les élèves, c'est-à-dire les engager eux-mêmes, les futurs enseignants, dans ce processus de dénoncer d'un problème, de problématisation et de résolution d'un problème, pour essayer de dégager pour un certain nombre de thèmes des situations qui soient des situations transposables en classe que les enseignants auraient vécues eux-mêmes et avec lesquelles on pourrait travailler des éléments de transposition vers la classe. Une des voies pour justement parvenir à mettre les élèves en situation de construction de problèmes, de l'avoir soi-même éprouvé, de l'avoir soi-même vécu, de voir que c'est possible. Je pense que c'est une voie intéressante, en tout cas pour la formation. Voilà, éprouver les problèmes, arriver à des exercices absolument pratiques, visuels, expérimentaux. Peut-être un mot, une réaction l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Ange Ensour? Oui, alors c'est très intéressant d'écouter Caroline Husson dans la mesure où elle parlait que de la science et de la problématisation. Je vais parler de ce que je connais, les projets s'aventuriers, où on a vraiment à cœur d'introduire les élèves à l'éducation par la recherche, leur apprendre à faire que la recherche scientifique, ça part peut-être de questions générales, mais avant tout, c'est une manière de transformer une question en problématique scientifique. Donc, nous avons modélisé cette approche en 8 dimensions pour laquelle il y a énormément d'outils méthodologiques, de supports pour les enseignants du premier degré notamment, pour cette phase très difficile et très cruciale de la problématisation, c'est-à-dire isoler un paramètre, apprendre à faire une mesure avec une seule variable, etc. Donc vraiment être introduit à des méthodes de précision, de comparaison, de mesure, de conclusion, de resituation, de contextualisation. Enfin, je ne vais pas passer à toutes les catégories scientifiques. Et l'intérêt, souvent, comme cette phase de problématisation est assez délicate, souvent les classes et les enseignants sont accompagnés par un chercheur, un étudiant, un ingénieur, peu importe, un expert de la question, en tout cas ouvert au monde de la production des savoirs pour les accompagner dans cette phase de problématisation. Et les différentes études, on a fait l'objet de plusieurs études, que ce soit par l'Université de Mons en Belgique ou bien par l'OCDE, montrent que les élèves qui traversent cet apprentissage, celui de la problématisation, d'apprendre dès le plus jeune âge, parfois dès la maternelle, la différence entre, par exemple, le français commun et le français notionnel, c'est aussi ça, la problématisation. Comprendre un rebond, ça peut être le jeu que j'observe, mais c'est aussi une somme de paramètres physiques, comprendre que les mots en science ne sont pas polysémiques, comme le sont dans le langage commun. C'est tout un apprentissage qui se fait dans la douceur de l'abstraction. Et donc, je trouve un fort écho avec ce que nous faisons, et aussi cette intervention de chercheurs ou d'ingénieurs répond à une volonté d'ouvrir la classe à l'école qui est un lieu qui n'est pas dédié à la transmission des savoirs, à les ouvrir pour la production des savoirs. Pourquoi? Parce que aimer les sciences ne suffit pas sur la durée. Vous venez de le dire au départ, Nicolas, que les élèves, à un moment où, quand ils deviennent adolescents, ils disent « j'aime pas, j'aime plus » parce qu'en fait, ils ont un sentiment d'imposture. Ils jouaient, c'était fun, et puis, comme le montre Clémence Perronnet dans ses ouvrages et ses études sur les sciences, à un moment, ça devient abstrait, ça devient des mesures, des calculs. Ils disent « mais on m'a menti, jusque-là, c'était fun, je m'amusais, et puis d'un coup, ça devient « je suis en échec ». avec, je ne veux plus en faire. Donc voilà, donc cette capacité à problématiser, à maîtriser le langage notionnel dès le plus jeune âge, petit à petit, peut-être, c'est une hypothèse, parce qu'on est dans la phase de cherche de solution, amener à un passage plus en douceur vers cette science plus conceptuelle que juste la manipulation à laquelle sont habitués les enfants très jeunes. Elena Pasquinelli, votre sentiment par rapport à ce que vient de dire Angensour et puis par rapport au reportage plus généralement ? Oui, j'aurais une réponse en deux parties. En réalité, à l'intervention de Cécile aussi, à la fin, elle parlait de l'importance de la formation. Donc, j'y reviens sur ça. Je pense que, donc, moi, poser la question de notre fondation, c'est la même chose aussi pour Ange, hein, je sais, mais je pense qu'il est très important si on veut vraiment changer les choses aussi dans la classe, c'est que d'abord former les enseignants à s'approprier de ce type d'outils qui ne sont pas faciles à mettre en place en classe. Donc effectivement, l'un des grands objectifs de la Fondation à travers ces 13 maisons pour la science, c'est la formation des enseignants continue parce que c'est pour toute la vie. Et si on a raté sur la formation initiale, on peut toujours se rattraper avec la formation continue. C'est vraiment un enjeu crucial, tout comme l'accompagnement. On a beau être formé, être accompagné sur le territoire, être accompagné en local, avoir des racines proches de professionnels de l'éducation. Dans notre cas, ce sont les centres pilotes, par exemple, de la main à la patte, qui permettent un accompagnement, un prêt de matériel, de l'assistance des scientifiques qui interviennent en classe. Je pense que ce sont des éléments cruciaux. Et un autre élément crucial, c'est d'outiller les enseignants par des objets prêt à l'emploi, entre guillemets, que les enseignants les plus expérimentés arrivent à s'approprier. Les scénarios que décrivait Cécile peuvent être mis par l'écrit, entre guillemets, et fournis à des enseignants avec une formation, un tutoriel, même à distance, nous on a une plateforme pour le faire, pour les aider à le mettre en place dans la classe, pour le scénariser déjà, leur donner déjà scénarisé. Je pense que c'est un accompagnement nécessaire pour quand on sort de la formation. Ça, c'est pour la partie, je dirais, plus dispositif. Hein. Mm-hmm. Une multiplicité de dispositifs qui vont de la formation initiale à la formation continue, à l'accompagnement, aux ressources clés en main pour les enseignants. L'autre élément, c'est l'exemple de Cécile, pour moi, c'est un exemple de comment éduquer les élèves à raisonner de façon scientifique. On se pose des problèmes, on les analyse d'une certaine manière, on assume une attitude qui est méthodologique, qui est méthodique, qui est extrêmement rigoureuse, on vérifie. Il y a aussi d'autres objectifs dans l'enseignement scientifique, je pense qu'ils sont très importants. L'acquisition de certaines connaissances, ce n'est pas facile d'inventer une expérience si on n'a pas déjà des connaissances, des connaissances, des fondamentaux qui nous permettent de penser à comment faire pour expérimenter. Si on ne connaît pas les méthodes elles-mêmes de la science, ce qui veut dire que même les méthodes de la science devraient faire l'objet non seulement d'un vécu, mais aussi d'un enseignement explicite. Mais pourquoi les scientifiques, ils se donnent tant de mal pour tester un médicament? Mais qu'est-ce qu'ils font exactement et pourquoi tous ces contrôles, pourquoi un groupe témoin, à quoi ça sert, qu'est-ce que cela permet de construire en termes de connaissances plus fiables par rapport à si on avait utilisé un autre type de méthode. Et encore, la capacité, et Ange le disait, de maintenir aussi une capacité de curiosité. On l'a quand on entre à l'école. C'est pas nécessairement l'école qui va tuer la curiosité des élèves. Je suis pas si négative que ça. Espérons-le tout de même, oui. Mais ça serait dramatique et je pense pas, sincèrement. Je pense que c'est le facteur âge et vie a un rôle essentiel. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'école pour contourner ces facteurs-là et maintenir cette curiosité? Quel type d'observation, par exemple, on peut faire au-delà des expérimentations? Comment on fait pour faire ouvrir constamment les yeux? Ben, vous le faites avec votre émission. Vous savez combien c'est important de faire surgir ce regard qui dit « Ah, mais ça, c'est intéressant. Ah ben, je vais le regarder de plus près. Je vais y passer un peu de temps. » Donc, un facteur aussi de reprendre ce goût au monde réel et à l'explorer, à l'observer, à y être à côté, à y marcher dedans, en quelque sorte, que ce soit dans un modèle, une image de l'espace ou dans une vraie forêt aussi. Donc, des éléments, je pense que le grand défi aujourd'hui, c'est de penser à un enseignement scientifique qui doit servir beaucoup d'objectifs différents. Le citoyen futur a outillé de connaissances et des méthodes. Le raisonnement a outillé lui aussi pour le développer, le rendre plus affûté, plus capable de faire face à des défis. La curiosité, l'envie de comprendre et le fait de se maintenir curieux toute la vie par rapport à ce monde réel qui est tout de même stimulant, tout de même tellement, tellement intéressant, et qui peut donner du coup aussi du plaisir quand on apprend à connaître. Plusieurs choses. Tout d'abord, on nous pose la question tout à fait effectivement légitime sur les réseaux sociaux de savoir pourquoi est-ce que autour de cette table il n'y a pas des enseignants qui viennent parler concrètement de leur pratique. Je répondrai que on a déjà fait cette émission, mais c'est pas évidemment pas la première fois en 6 ans de méthode scientifique que nous abordons la question de l'enseignement scientifique à l'école, de comment l'améliorer, des problèmes que cela peut poser, de la question des mathématiques et où des enseignants étaient autour de cette table. On voulait évidemment à chaque fois bien apporter d'autres points de vue, d'autres regards qui puissent se compléter, et on vous renvoie via notre fil Twitter aux émissions précédentes qui étaient déjà consacrées à ce sujet et puis qui peuvent être intéressantes à écouter aussi de manière historique, hein, dans l'évolution de la question de ce rapport à l'enseignement. L'autre question, c'est de dire que évidemment tout ne repose pas que sur l'école et sur la formation initiale. Il y a évidemment toute une partie liée à la culture scientifique qui est une autre un sujet sensible ou une inconnue en France, en tout cas, puisque on dit souvent et on l'a répété à ce micro que la France est en déficit collectif de culture scientifique. Et quand on regarde en dehors du cadre de l'école et qu'on compare là aussi avec nos voisins européens, en Angleterre, en Allemagne, près de 8 enfants sur 10, hein, 80% des enfants sont exposés à des activités scientifiques en dehors de l'école, là où en France c'est 10 fois moins, c'est à peine 10%, 8% des enfants exposés à des activités scientifiques en dehors de l'école. Elena Pasquinelli, là on pointe du doigt effectivement cette question culturelle qui fait que la culture scientifique, on a du mal à l'intégrer à la culture générale en fait. Il y a la culture scientifique d'un côté qui concerne une minorité, on trouve ça compliqué, pas très intéressant, et puis il y a la culture générale, l'autre grande culture qui est très valorisée. Est-ce que là il n'y a pas quelque chose à faire qui sort du strict cadre de l'école et de la responsabilité des enseignants ou de la formation des enseignants finalement? Je pense que c'est une considération qui est extrêmement correcte à mon avis. Il y a un déficit de valorisation d'une culture. C'est comme si la culture scientifique et technique, technologique, de l'ingénierie étaient des cultures des séries B, parce qu'au fond, à fin de la course, elles sont des cultures qui servent des applications et donc elles sont moins nobles que d'autres formes de sélection. C'est moins vrai pour les mathématiques qui sont un outil de sélection en France. Même, hein, de sélection sociale, hein, par lesquelles on voit, comme l'orthographe, on voit si vous venez d'un milieu ou plutôt d'un autre. Et c'est difficile après de trouver des solutions à cela. Les enquêtes internationales nous donnent là une autre indication, qui est que les adolescents, c'est-à-dire les enquêtes Teams pour la quatrième, ne considèrent pas les sciences comme un enseignement important. Ils ne sont pas stressés sur les sciences, ils se sentent assez confiants dans leur capacité en sciences, à tort, mais c'est souvent le cas, mais ils ne les trouvent pas nécessairement intéressantes. Je pense que c'est une autre manière de dire qu'effectivement notre société ne leur propose pas les sciences comme quelque chose qui est fondamental, non pas et non uniquement pour résoudre des problèmes majeurs comme trouver des vaccins, mais certainement aussi pour ça, mais qu'elles sont fascinantes et qu'elles font partie de l'histoire humaine. Combien de fois, par exemple, on parle d'histoire des sciences? Je suis désolée, je retombe sur l'école, mais pas nécessairement exclusivement un milieu éducatif. Combien de fois on fait le parcours en arrière pour voir d'où viennent les découvertes scientifiques, mais aussi qu'est-ce qui a amené les obstacles que les hommes et les femmes du passé, ils ont rencontré les besoins, le pourquoi on s'est donné certaines méthodes, pourquoi on a recherché certaines connaissances. Et c'est une aventure, celle de la science, une aventure en plus qui croise d'autres aventures, aventures de voyage, d'exploration, etc. Et qui peut du coup être extrêmement fascinante quand elle est racontée aux enfants. Mais on ne le fait pas nécessairement. Alors, est-ce qu'il faut multiplier les éditions pour enfants avec des livres pour enfants, inviter les parents à lire à côté de la petite histoire, à lire la petite histoire de science de comment les éléphants ont développé leur trompe, par exemple, et ça n'a pas poussé pour être plus longue, mais c'était un effet de la sélection naturelle. Est-ce qu'il faut introduire, il y a des études sur ça, sur ce genre de livres à l'âge de la maternelle, est-ce qu'il faut introduire ceci plus près? Le risque est toujours, et ça je tiens à le dire, que tout ce qui est extrascolaire reste cantonné à ceux qui peuvent, à ceux qui ont les parents qui connaissent, qui peuvent, qui ont le temps, soyons honnêtes, qui ont le temps, la force, l'énergie de vous accompagner le samedi au musée ou qui ont un musée à côté. Et l'école reste une clé. Alors que ce que disait Ange, une école peut être plus ouverte. Une école qui fait vie avec le territoire de manière plus intégrée, qui accueille des scientifiques, qui vous amène dans les laboratoires ou qui s'ouvre dans les temps extrascolaires sur des activités et sur l'accueil de personnes, d'êtres humains qui font des sciences et qui vont pouvoir vous enchanter. Angeon-sur, vous vouliez réagir? Oui, alors deux choses déjà. Je suis enseignante, donc pour les personnes qui vous reprochent de ne pas avoir invité des enseignants, c'est raté. Je suis enseignante, mais du premier degré, enfin, même si maintenant je ne suis plus devant les élèves. Deuxième chose concernant le manque d'activité, effectivement, dans le rapport du Haut Conseil de la Famille, d'Enfance et des Jeunes de 2018, donc qui est assez récent, il donne effectivement des chiffres effarants par rapport à l'exposition, à la pratique des activités scientifiques en dehors de l'école, ou en dehors des heures de cours, parce qu'on peut, il n'y a pas que l'extra et le périscolaire, il y a aussi l'intrascolaire, au club, scientifique, etc. Et effectivement, comme vous le disiez parfaitement, ça c'est les chiffres OCDE que vous avez donnés par rapport à nos voisins allemands ou anglais ou italiens, c'est vraiment effarant. Et cela revient à ce que je disais au départ sur ce fameux capital culturel qui préconditionne énormément les enfants en France. Une exposition aux activités scientifiques, ça peut être un club, ça peut être une colo de vacances, ça peut être des journées plutôt que de faire du sport, du théâtre ou de la musique au centre de loisirs, on pourrait faire des sciences. Donc il y a un chantier immense à faire en France. On ne peut pas demander à l'école d'être la solution miracle à tous les problèmes. Donc il y a autant je suis enseignante, autant je pense que l'école de la République est le seul lieu non négociable auquel devrait accéder, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, toute une classe d'âge, toute une génération, un certain savoir, on peut pas dire qu'elle peut le faire toute seule, parce qu'on voit à l'œuvre les inégalités. Aujourd'hui, je ne nommerai pas les noms commerciaux de certains opérateurs de vacances scientifiques, c'est 1500 euros la semaine. Ouais. Qui pourrait le faire? Les enfants, CSP+. Quand ils reviennent à l'école, ils ont fait des manips, ils ont parlé pendant 10 jours avec des doctorants de sciences, etc., pendant leurs vacances. Les autres, non. Est-ce qu'ils lisent Sciences et Vie Junior ou est-ce qu'ils lisent pour la science, les lycéens, à l'école? Non, il faut qu'on les pousse. S'ils n'ont pas ça, un abonnement familial, il n'y a pas. Donc, il y a un champ autour de l'école, donc sur les temps extra, péri et intrascolaire. Avec les aventures, on travaille beaucoup dessus. On a déployé beaucoup avec des doctorants, des étudiants en master, mais bien sûr, nous sommes lilliputiens par rapport aux besoins. Et il me semble que les institutions peuvent s'en emparer. Pourquoi réserver à une élite ce capital culturel et pas à tout le monde? Notamment que à l'école, il y a une diversité scientifique, et c'est là que je vais sortir un petit peu de mon premier degré que je connais bien. Les sciences, c'est pas que la voie générale. Il y a toutes les filières super bien en techno, en pro, la filière biotech, tout le monde a déploré pourquoi on n'a pas de start-up en biotech, pourquoi on n'a pas fait de vaccin. Que faisons-nous des enfants, des adolescents français qui aiment les sciences et qu'on leur dit « Ah, tu n'es pas assez bon en maths pour faire des sciences en filière générale, va faire des sciences en techno. » Pourquoi ne pas les valoriser? Et je salue vraiment tous les collègues et les inspecteurs généraux des filières tech et des filières pro parce qu'ils font un travail incroyable pour vous valoriser ça. Et ne les oublions pas. Ils sont tout aussi importants que les filières générales. Et on fait beaucoup de sciences et beaucoup d'innovations. Et peut-être un dernier mot sur cette très, école. Très rapidement. Très rapidement, je vous renvoie sur les travaux de l'économiste Xavier Jaravel qui a dit « Il y a aussi une exposition à l'innovation scientifique qui est du fun, qui allait trouver les frontières et qui pourrait, si on la démocratisait pour vaincre un peu ce déclin éducatif en France, même rapporter jusqu'à 0,2% du PIB à la France. Donc investissons massivement dans la formation des enseignants, dans les gosses, dans les ateliers périscolaires. On gagnerait du PIB après. » Mais c'est entendu, et une fois de plus, je vous renvoie aux émissions précédentes que nous avions consacrées à l'enseignement scientifique où on aboutissait peu ou prou aux conclusions que vous venez d'énoncer, Angeon-sur. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'est Ludovic Auger à la technique. Comme toujours, La Méthode Scientifique, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur l'application Radio France ou en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.